Bueno, dígaselo de nuevo, vamos. Prepárate para una visitación del Espíritu Santo. Allez, dites-le de nouveau. Prépare-toi pour la visitation du Saint-Esprit. Gloria a Dios. Uy. Gloire à Dieu. Parece que estuvieran pegando tiros, hermano. On dirait que quelqu'un y jette des balles. Dios es maravillosamente bueno. Dieu est vraiment merveilleusement bon. Dios nos ama muchísimo. Dieu nous aime beaucoup. Amén. Amén. Él te ama. Dieu t'aime. Dígale al que está a tu lado, Dios te ama. Dis-lui à celui qui est à ton côté, Dieu t'aime. Si lo ve que está medio dormido, lo agarra de los hombros y lo sacude. Si tú Dios te ama. Si tu vois qu'il s'endort un petit peu, alors tu le prends par les épaules et tu le secoues un petit peu et tu lui dis Dieu t'aime. Vamos, dígale, Dios te ama. Allez, dis-lui, Dieu t'aime. Dios te ama. Dieu t'aime. Dios te ama. Dieu t'aime. Dios te ama. Dieu t'aime. Amén. Amen. Dios te ama. Dieu t'aime. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit le nom du Seigneur. Jesús le dijo a sus discípulos. Jésus l'a dit à ses disciples. Esperen. Attendez. La promesa de Dios. La promesse de Dieu. Y yo me imagino los discípulos en ese entonces. J'imagine les disciples à cette époque-là. Tenían que esperar. Ils devaient attendre. ¿Qué cosa? Qu'est-ce qu'ils devaient attendre? La promesa. La promesse. Algo que nunca habían visto. Quelque chose qu'ils avaient jamais vu. Interesante. C'est vraiment intéressant. Porque hoy nosotros tenemos la Biblia. Aujourd'hui nous avons la Bible. Para ver lo que pasó en Pentecostés. Pour pouvoir observer ce qui s'est passé dans la Pentecôte. Pero ellos no sabían lo que iba a pasar. Mais eux ils savaient pas qu'est-ce que ça allait passer. Solamente estaban esos 120 ahí esperando. Seulement ils se trouvaient ces 120 qui étaient en train d'attendre. Porque Jesús les había dicho que tenían que esperar. Parce que Jésus avait dit qu'ils devaient attendre. ¿Qué tenían que esperar? Et qu'est-ce qu'ils devaient attendre? La promesa del Padre. Mais la promesse du Père. Iban a ser llenos del Espíritu Santo. Parce qu'ils allaient être remplis du Saint-Esprit. Hoy nosotros entendemos que es ser lleno del Espíritu Santo. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'est-ce qu'être rempli du Saint-Esprit. Porque lo leemos en la palabra de Dios. Parce que nous le lisons dans la parole de Dieu. Pero ellos, para ellos era algo muy difícil. Mais pour eux, c'était quelque chose de difficile. Porque nunca lo habían visto. Parce qu'ils l'avaient jamais vu. Porque no tenían ni idea lo que era la llenura del Espíritu Santo. Parce qu'ils avaient la moindre idée qu'est-ce que c'était la plénitude du Saint-Esprit. Ni quién era el Espíritu Santo. Et qui était le Saint-Esprit. Solo estaban ahí obedeciendo la palabra de Jesús. Ils étaient seulement là en train d'obéir la parole de Dieu, de Jésus. Es lo que hacían. Et c'est cela que ce qu'ils faisaient. Obedecían lo que su maestro les había dicho. Ils obéissaient ce que leur maître il avait dit. Esperen. Attendez. Hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Jusque tant que vous soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu. En el Pentecostés, hermano. Dans la Pentecôte, frères et sœurs. Era una fiesta judía. C'était une fête juive. Que era la fiesta de las primicias. Et c'était la fête des prémices. Los primeros frutos. Ça veut dire les premiers fruits. ¿Cómo fueron los primeros frutos de la iglesia, hermano? C'était comment ces premiers fruits de l'église, frères et sœurs? Porque esos 120 fueron los primeros frutos de la iglesia. Parce que ces 120, c'était la prémisse des fruits de l'église. El Espíritu Santo podía haber descendido cualquier otra fecha, hermano. Le Saint-Esprit il aurait très bien pu descendre n'importe quelle autre date, frères et sœurs. ¿Por qué eligió la fiesta de las primicias para descender? Et pourquoi il a choisi la fête des prémices pour pouvoir descendre? ¿Qué quería demostrar, hermano? Qu'est-ce qu'il voulait démontrer? ¿Qué mensaje nos quería dar a nosotros? Quel message nous voulait nous apporter? Eran los primeros frutos del grano que se entregaban a Dios. C'était les premiers fruits du grain, du blé qu'il fallait rendre à Dieu. Dios decidió enviar su Espíritu Santo como las primicias. Dieu a décidé d'envoyer le Saint-Esprit comme ses prémices. O en el tiempo de las primicias. O dans le temps des prémices. Y eso nos hace ver cómo eran las primicias en esa época. Et ça, on peut vraiment comprendre comment est-ce que ça accomplissait les prémices dans cette époque-là. Primero. D'abord. Creían plenamente en Jesús. Ils croyaient pleinement en Jésus. creían plenamente en Jesús. Ils croyaient pleinement en Jésus. Sabían quién era Jesús. Et ils savaient qui était Jésus. Creían en la palabra de su Señor. Et ils croyaient dans la parole de leur Seigneur. Jesús le dijo, esperen. Jésus a dit, attendez. La promesa del Padre. La promesse du Père. Y ellos esperaron. Et eux, ils ont attendu. Sin saber lo que venía. Sin saber. Lo que vendría. Sans savoir ce qu'il allait arriver. Esperaron. Ils ont attendu. Porque Jesús le dijo que esperen. Parce que Jésus leur a dit d'attendre. Me imagino todos orando ahí, hermano. Je imagine qu'ils étaient en train de prier là. Con cierta incertidumbre. Avec une certaine incertitude. Y alguien le preguntaría, ¿qué están haciendo? Et quelqu'un il leur pose une petite question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Estamos orando. Mais nous sommes en train de prier. ¿Para qué? Et pourquoi faire? Porque nuestro Señor nos dijo que orásemos y esperáramos. Parce que notre Seigneur nous a dit de prier et d'attendre. ¿Qué cosa tienen que esperar? Mais quoi donc nous devons attendre? La promesa del Padre. La promesse du Père. ¿Y cuál es? Et c'est laquelle? No sé. Je ne sais pas. Pero estamos esperando. Mais nous sommes en train d'attendre. Y estamos orando. Et nous prions. Porque él prometió. Parce qu'il a promis. Y nos lo va a dar. Et lui il va nous le donner. Y es bueno. Et c'est bon ça. Es interesante. C'est vraiment intéressant. ¿Cómo eran las primicias, hermano? Comment ils étaient les prémices? Eran obedientes. Ils étaient obéissants. Obedecieron al mandato de Jesús. Ils ont obéi le commandement de Jésus. Eran pacientes. Ils étaient patients. Supieron esperar hasta el día que llegó. Et ils ont su attendre jusque le jour qui est arrivé. Y creían en Jesús. Ils ont cru en Jésus. Qué bueno Dios, hermano. Oh, c'est tellement bon Dieu. Qué bueno es Dios. Il est tellement bon Dieu. ¿Qué necesito para recibir el Espíritu Santo, hermano? De quoi j'ai besoin pour recevoir le Saint-Esprit, frères et sœurs? Tengo que creer. Je dois croire. Tengo que creer. Je dois croire. Tengo que creer que es para mí. Je dois croire que c'est pour moi. Tengo que creer que es para este tiempo. Je dois croire que c'est pour ce temps-ci. Tengo que creer que realmente va a ser una bendición para mi vida. Et je dois croire que ça va être une bénédiction dans ma vie. Y tengo que creer que no necesito hacer absolutamente nada para merecerlo. Et je dois croire que je dois absolument rien faire pour le recevoir. Pero si algo tengo que hacer. Mais si quelque chose je dois faire. Para ser lleno del Espíritu Santo es creer. Pour être rempli du Saint-Esprit, c'est de croire. Ellos creyeron. Ils ont cru. Y lo recibieron. Et ils l'ont reçu. Ahora analice esto un minuto. Analice esto un minuto. Analysez ceci une petite minute. El apóstol Pablo dice. L'apôtre Paul dit. Hablando de que Jesús se había aparecido a muchos después de resucitar de los muertos. Ils étaient en train de parler que Jésus s'est apparu d'entre eux après d'avoir été tué. Y dice. Et alors il dit. Que se apareció a más de 500 hermanos. Il s'est apparu à plus de 500 frères. Después de resucitar. Après d'être ressuscité. ¿Por qué en el aposento alto solo había 120? Et pourquoi seulement dans l'autre pièce il y avait seulement 120? ¿Dónde estaban los 380 que también habían visto Jesús resucitado? Où se trouvaient-ils les 380 qui avaient vu aussi Jésus ressuscité? ¿Qué no estaban ahí? Pourquoi ils se trouvaient pas là? ¿Porque no creyeron? Parce qu'ils ont pas cru? Porque no fueron obedientes. Parce qu'ils ont pas été obéissants. Porque tuvieron otra cosa para hacer. Parce qu'ils ont eu autre chose à faire. O porque tal vez ya dieron por terminado. O parce qu'ils pensaient que c'était déjà fini. Lo que Jesús tenía que hacer. Ce que Jésus devait faire. Murió. Il est mort. Resucitó y se fue. Il a ressuscité puis il est parti. No estaban los 500 ahí. Les 500 se trouvaient pas là. Solo había 120. Il y avait seulement 120. Pero esos 120 hermanos. Mais c'est 120 frères et sœurs. Que permanecieron ahí. Qu'ils ont resté là. Porque es otra característica de los primeros frutos. Parce que c'est une autre caractéristique des premiers fruits. Permanecieron. Resté. Creyeron. Ils ont cru. Obedecieron. Ils ont obéi. Esperaron. Ils ont attendu. Y lo recibieron. Ils l'ont reçu. ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? ¿Quieren tener una visitación del Espíritu Santo en la iglesia? Est-ce que vous voulez avoir une visite du Saint-Esprit dans l'église? ¿Quieren que el Espíritu Santo visite esta nación? Est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit visite cette nation? ¿Realmente lo quieren? Vraiment vous le voulez? Entonces hay que creer. Alors il faut croire. Primero hay que creer, hermano. D'abord il faut croire. Que si Jesús lo dice. Que si Jésus l'a dit. Aunque las circunstancias parezcan diferentes. Même si les circonstances ressemblent différentes. Aunque todo pareciera demostrar que la iglesia se debilita en esta nación. Même si tout fait croire que l'église et s'affaiblit dans cette nation. Aunque pareciera que todo está la visitación tarda. Et même si on peut voir que la visitation est tardive. Creemos. On croit. Creemos. On croit. Ciertamente creemos. Certainement nous croyons. Que él nos ha de visitar. Qui vient pour nous visiter. Y no importa lo que vemos. N'importe quoi nous pouvons regarder ou voir. No importa lo que oímos. N'importe quoi nous pouvons écouter. Creemos ciertamente. Mais certainement nous croyons. Que él va a visitar esta tierra. Qui va visiter cette terre. Y veremos. Et nous devons. Lo que otras naciones vieron. Ce que d'autres nations vont voir. Porque él vendrá. Pardon, ce que d'autres nations ils ont vu parce que lui viendra. Porque él vendrá. Parce que lui viendra. Porque él nos va a visitar. Parce que lui va venir pour nous visiter. Porque él va a hacer un avivamiento en nuestras vidas. Parce qu'il viendra faire un réveil dans nos vies. Va a traer un avivamiento a la iglesia. Il amènera le réveil dans l'église. Y a la nación. Et dans la nation. Pareciera que es imposible. Même s'il ressemble que c'est impossible. Pero si Dios quiere. Mais si Dieu veut. Si Dios quiere. Si Dieu veut. Podemos creer en eso, hermano. Alors nous pouvons croire en cela. ¿Quién vive un avivamiento, hermano? Qui vit un réveil, frère? Es la persona que está de la vereda enfrente criticando. C'est la personne qui se trouve ici en face en train de critiquer. Es la persona que siempre está dudando de lo que Dios hace. C'est la personne qui doute tout le temps de ce que Dieu fait. O es la persona que cree. O c'est la personne qui croit. Con un corazón sencillo. Avec un cœur humble. Con un corazón sincero. Avec un cœur sincère. Y aún a veces ingenuo. Et même parfois naïf. Pero cree. Mais il croit. Cree. Il croit. Esos 120 estaban creyendo. Ces 120 personnes là, ils étaient en train de croire. Que la promesa venía. Que la promesse de Dieu venait. La primera pregunta que tengo para ustedes es. La première question que j'ai pour vous c'est. ¿Ustedes quieren que Dios los visite? Est-ce que vous voulez que Dieu vous rende visite? Esa no es la primera pregunta. Pardon? Yo dije una aseveración. ¿Ustedes quieren que Dios los visite? Ah, vous voulez que Dieu vous visite? No es una pregunta. Ce n'est pas une question. La pregunta es. Mais la question c'est. ¿Ustedes creen? Est-ce que vous croyez? ¿Creen realmente? Vous croyez vraiment? ¿Creen que Dios puede visitarles? Que Dieu peut vraiment vous rendre visite? ¿Están ciertamente seguros que el Espíritu Santo les va a visitar? Vous êtes certainement sûr que le Saint-Esprit va vous rendre visite. Completamente seguros que el poder de Dios traerá un avivamiento a esta nación. Vous êtes complètement sûr que le Saint-Esprit va venir et apporter un réveil dans cette nation. Gracias, hermano. Merci pour le frère. Yo creo, hermano. Moi je crois, frères et sœurs. Yo sigo creyendo. Et je continue à croire. Yo sigo creyendo. Et je continue à croire. Que Bélgica va ser visitada por el poder del Espíritu. Que la Belgique Santo. Va avoir une visite par la puissance du Saint-Esprit. Yo creo, hermano. Je crois, frères et sœurs. Yo creo. Je crois. Creo. Je crois. Creo. Je crois. Y le voy a demostrar por qué creo. Et je vais vous démontrer pourquoi je crois. Porque vengo a predicar aquí, hermano. C'est parce que je viens prêcher ici. Sinon, no vendría a predicar a esta nación. Sinon, si je croyais pas, alors je viendrais pas pour prêcher en cette nation. Y menos en mis vacaciones. Et encore moins pendant mes vacances. Yo invierto mis vacaciones en esta tierra. J'investis mes vacances dans cette terre. Porque sé. Parce que je sais. Porque sé. Parce que je sais. Que Dios. Que Dieu. Va a visitar esta nación. Va visiter cette nation. Y quiero ser parte de ello. Et moi je vais faire partie de cela. Amén. Amén. Yo sé. Oui, moi je sais. Lo sé. Je sais. Y lo espero, hermano. Et je n'attends pas. Lo espero. Et je l'attends, pardon. Con anhelo. Avec désir. Con ansia. Ardemment. Quiero verlo. Je veux le voir. Yo no miro la realidad en Bélgica de la iglesia hoy. No miro la realidad de la iglesia hoy en Bélgica. Je regarde pas la réalité de l'église en Belgique aujourd'hui. Yo veo. Mais je vois. Lo que Dios. Ce que Dieu. Va a hacer aquí. Il fera ici. Lo veo. Je le vois. Puedo verlo. Je peux le voir. Si realmente creen. Si vraiment tu crois que Dios les puede visitar, que Dieu peut te rendre visite d'une manière spéciale, d'une façon spéciale, poderosa, puissante, deben esperarlo. Tu dois l'attendre. Como esos 120, comme ces 120 là, unánimes, dans l'unanimité, y juntos, et unis, ensemble, unánimes. Unánimes y ensemble. Se puede estar junto y no estar unánime, hermano. On peut être ensemble mais pas être unanime. Podemos estar todos juntos aquí. On peut être ici tous ensemble. Y no estar unánimes. Mais ne pas être unanime dans l'unité. De hecho, yo puedo ver a algunos de ustedes que no están unánimes. Et même je peux voir certains d'entre vous qui sont pas dans l'unité. Veo resistir en su corazón. Je vois une résistance dans votre cœur. La idea, cette idée, de una visitación del Espíritu Santo aquí. D'une visite du Saint-Esprit ici. Yo lo veo. Et je le vois. Pero veo que no es por maldad. Veo que no es por maldad la resistencia. Mais cette résistance, je vois que c'est pas par méchanceté. Es por ignorancia. Mais c'est par ignorance. Y usted dirá, yo hace años que estoy en la iglesia. Usted dirá, hace años que estoy en la iglesia. Vous allez dire, mais j'ai déjà quelques années que je suis dans l'église. Enseño en la iglesia. J'enseigne dans l'église. Pero ignora. Ignora. Mais vous ignorez. Por eso resiste. Et c'est pour ça que vous faites la résistance. Pero el Señor Jesús. Mais le Seigneur Jésus. Nos ama. Il nous aime. Y él es el que convence. Et c'est lui qui convainc. Y él es el que te va a convencer. Et c'est lui qui va te convaincre. De que necesitas una visitación de Dios. Que vous avez besoin d'une visitation. En tu vida. Dans ta vie. En la iglesia. Dans l'église. Y en la nación. Et dans la nation. ¿Quién es el Espíritu Santo, hermano? Qui est le Saint-Esprit, frères et sœurs? Vamos, mire. La personalidad y deidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se ve por sus atributos. La personalité et la déité du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, on le peut observer par ses attributs. Y por sus obras. Et par ses œuvres. Fíjese, ¿qué dice Génesis capítulo 1, versículo 2? Regardez ce qui est écrit en Genèse 1, verset 2. Est-ce que vous l'avez trouvé? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La terre était en chaos, elle était vide et il avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyant au-dessus des eaux. En la creación el Espíritu Santo estaba ahí sobre las aguas, hermano. Et là, dans la création, la présence du Saint-Esprit se trouvait là dans. Él tomó parte de la creación. Parce qu'il a pris part de la création. Por él fueron creadas las cosas. Et c'est par lui que toutes choses ont été créées. Él es omnipotente. Il est omnipuissant. Todo lo puede, hermano. Tout puissant. Mire lo que dice el Job capítulo 26. Regardez ce qui est écrit en Job chapitre 26. Gracias, tuve un resfrío bárbaro, hermano. Oh, j'ai un refroidissement terrible. Esta Bélgica es terrible. Cette Belgique, elle est terrible. Sale el sol, llueve, hace frío y calor en un mismo día. Il y a le soleil qui sort, il pleut, il fait froid et même il neige le même jour. Para salir aquí hay que ir con una valija, con bota de lluvia, impermeable, paraguas, pullover, remera, short. Pour pouvoir sortir et se promener, il faut sortir ici avec une valise, avec des bottes, impermeables, avec une écharpe, avec tout. Mira lo que dice Job, capítulo 26. Regardez ce qui est écrit dans Job, chapitre 26. Versículo 13. Et le verset 13. Dice, su espíritu adornó los cielos. Par son esprit, le ciel devient immaculé. Su mano creó la serpiente tortuosa. Sa main transperce le serpent fuyard. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo, hermano? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le Saint-Esprit? En el principio. Au commencement. Él participaba creando también. Lui aussi participait dans la création. Él es todopoderoso, hermano. Lui, il est tout puissant, frère et sœur. ¿Por qué es tan importante eso para nosotros? Et pourquoi cela est tellement important pour nous? Tenemos que creer. Nous devons croire. El Espíritu Santo tiene todo poder. Le Saint-Esprit, il a toute la puissance. Para cambiar tu vida. Pour changer ta vie. Para hacer cualquier cosa que necesites. Et pour faire n'importe quelle chose que tu as besoin. Él tiene el poder, hermano. Il a la puissance, frère. Dice en Romanos que el Espíritu Santo descendió a las partes más profundas. Il est écrit en Romains que le Saint-Esprit est descendu dans les parties les plus profondes. Il levantó a Cristo de los muertos. Il a élevé Christ d'entre les morts. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. L'Esprit qui a levé Christ d'entre les morts. Mora en ti y en mí. Il demeure en toi et en moi. Ese mismo Espíritu. C'est le même Esprit. Mora en la iglesia. Il demeure dans l'Église. El Espíritu de Dios. L'Esprit de Dieu. Que tiene el poder para hacer todas las cosas. Qui a la puissance pour faire toutes choses. El Evangelio de Lucas dice. Dans l'Évangile de Luc, il est écrit. El poder de Dios estaba en Jesús para sanar toda enfermedad. La puissance de Dieu se trouvait en Jésus pour guérir toute maladie. El poder de Dios sigue en Jesús para sanar toda enfermedad. Et la puissance de Jésus continue pour pouvoir guérir. El poder de Dios está en la iglesia para sanar toda enfermedad. La puissance de Dieu se trouve dans l'église pour pouvoir guérir toute maladie. El poder de Dios, el Espíritu Santo, está en ti y en mí. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit, se trouve en toi et en moi. Para hacer todo posible. Pour pouvoir faire tout possible. Y usted dirá, ¿y por qué no veo los cambios? Et vous allez vous poser la question, pourquoi je vois pas les changements? Por la incredulidad. À cause de l'incrédulité. La incredulidad. L'incrédulité. Una vez. Une fois. Estaba en Suiza. Je me trouvais en Suisse. Con un joven bautista. Avec un jeune baptiste. Y él me decía que todo era del diablo. Et lui me disait, tout est du diable. Cualquier ministerio que le nombraba decía, eso es del diablo. N'importe quel ministère que tu nommais, ah, il disait, cela c'est du diable. La gente se cae por obra del diablo. Les gens tombent à cause de l'œuvre du diable. La gente se ríe porque es del diablo. Les gens rient parce que c'est du diable. Lloran porque es del diablo. Ils pleurent parce que c'est du diable. Diablo, diablo, diablo. Diable, diable, diable. Para él el diablo tenía poder para hacerlo. Pour lui, le diable, il avait la puissance pour le faire. Y Dios no, hermano. Mais pas Dieu. Interesante el pensamiento. C'est intéressant cette pensée-là. El diablo podía hacer algo que Dios no podía, hermano. Le diable, il pouvait faire quelque chose que même Dieu ne pouvait pas faire. Entonces le dije. Alors moi je lui ai dit. Si vos vieras un hombre caminar por las aguas. Si tu verrais un homme marcher sur les eaux. Hoy dirías que es del diablo. Aujourd'hui, tu dirais que c'était du diable. Sí o no. N'est-ce pas? Me dijo sí. Il m'a dit oui. Pero lees que Pedro caminó sobre las aguas, si lo crees. Mais tu lis que Pierre, il a marché sur les eaux et tu l'as cru. Si hoy viene un hombre que hace descender fuego del cielo, dirías que es del diablo. Aujourd'hui, si tu verras un homme qui fait descendre du feu du ciel, tu dirais que c'est du diable. Me dijo, por supuesto que sí. Il m'a dit, bien sûr que oui. Pero lees en la Biblia que Elías hacía eso y decía, gloria a Dios. Mais tu lis que Elías faisait cela et tu disais, gloire à Dieu. Entonces decidiste. Alors tu as décidé. Es Dios. Alors décide-toi. ¿O es el diablo? C'est Dieu ou c'est le diable? Porque los dos no pueden hacer lo mismo. Parce que les deux, ils peuvent pas faire la même chose. Muchas veces cometemos ese error. Et beaucoup d'occasions on fait ce genre d'erreur. Si usted no entiende lo que sucede, si vous comprenez pas ce qui se passe, no diga nada. Alors taisez-vous. No entiendo. Je comprends pas. Me acuerdo una vez en un culto en mi iglesia. Je me souviens un jour dans un culte dans mon église. En el año 93. En 93. Había una presencia de Dios que uno podía casi palparla. Il se trouvait une présence de Dieu incroyable qu'on pouvait même presque la toucher. Y yo estaba así orando a Dios, hermano. Et je me trouvais là en train de prier à Dieu. Disfrutando de la dulzura. Je dégustais la douceur. La bondad. La bonté. L'amabilidad. Et la bonté. De la presencia de Dios. De la présence de Dieu. Y de pronto. Et tout d'un coup. Alguien me tocaba el hombro. Quelqu'un me touchait mon épaule. Yo no abría los ojos pensando. Et moi j'ouvrais pas les yeux en train de penser. Tal vez se vaya. Oh, peut-être il va partir. Esteban. Esteban. Abro los ojos. Alors je ouvre mes yeux. Y estaba mi hermano Juan. Et c'était mon frère Juan. Acosta. Jean Acosta. Y me dice. Et alors il me dit. Mira. Regarde. Eso es de Dios o no? Est-ce que ça c'est de Dieu ou pas? Miro para adelante. Je regarde vers l'avant. Y un joven hacía así. Et un jeune il faisait comme ça. Je le digo Juan. Je dis Jean. Juan. Jean. Estaba disfrutando. J'étais en train de déguster. De la dulzura del Espíritu Santo. De la douceur du Saint-Esprit. Y me sacaste de ahí para juzgar. Et alors tu m'es enlevé de ce moment-là pour juger. Dios no me llamó a juzgar. Dieu m'a pas appelé à juger. Si es de Dios, si c'est de Dieu, gloria a Dios. Gloire à Dieu. Si no es de Dios, si ce n'est pas de Dieu, pobre hermano. Alors pauvre de mon frère. Porque finge algo que no tiene. Parce qu'il fait semblant d'avoir quelque chose qu'il n'a pas. Y se pierde lo verdadero. Et alors, il perd ce qui est vrai. Pero yo no estoy para juzgar si es de Dios o no. Mais moi, je me trouve pas ici pour juger si c'est de Dieu ou pas. Dije, Juan, j'ai dit, Jean, déjame en la presencia de Dios. Laisse-moi tranquille dans la présence de Dieu. Y volví a orar, hermano. No estamos para decir sí o no. On n'est pas ici pour dire oui ou non. A veces parecemos los enólogos, los gustadores de vino. Parfois, on est ici comme des ceux qui dégustent le vin. ¿Es de Dios? C'est de Dieu? No es de Dios. Ce n'est pas de Dieu. ¿Es de Dios? C'est de Dieu? No es de Dios. Ce n'est pas de Dieu. Es de Dios puro, genuino. Puro y genuino Dios. Ah, ça c'est pur et genuinement Dieu. Un poco de Dios y un poco no de Dios. Un petit peu c'est Dieu, mais un petit peu pas Dieu. Degustadores de la presencia. Oh, on déguste la présence. Nos hemos hecho tan exquisitos. On s'est déjà fait tellement exquis. Que creemos tener autoridad. Qu'on pense qu'on a l'autorité. Para decir sí. Pour pouvoir dire oui. Non. Non. Más o menos. Plus ou moins. Yo no quiero eso para mí, hermano. Mais moi je veux pas cela pour moi. Yo quiero un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Moi je veux une rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Correr a los brazos del Espíritu Santo. Et moi je veux courir dans les bras de du Saint-Esprit. Y que él me abrace. Et qu'il m'embrasse. Y yo puedo decirle. Et je puisse lui dire. Te amo. Je t'aime. Te amo. Je t'aime. Tú eres todo para mí. Tu es tout pour moi. Eres lo más importante tu es para le plus mi important vida. Pour moi. Eres más importante que el aire que respiro. Tu es même plus important eres que l'air que je respire. Eres más importante que todo lo que tengo. Et c'est tu es le plus important de tout ce que je por possède. Por ti dejaría todo. Et pour toi je laisserai tout. Con tal de conocerte. Ou pour autant te connaître. Sí. No. Oui et non. Sí. Oui. No. Non. Y muy interesante. C'est intéressant. Los que están siempre sí, no, sí, no. Tous ceux qui sont toujours oui, non, son gente que nunca lo vivieron. Ce sont des gens qui n'ont jamais vécu. Interesante. C'est intéressant, n'est-ce pas? juzgan lo que no vivieron. Ils sont en train de juger ce qu'ils n'ont jamais vécu. Y por eso se equivocan. Et c'est pour ça qu'ils se trompent. Porque no lo entienden. Parce qu'ils ne le comprennent pas. Pero aquel que tiene un corazón sincero ante Dios. Mais tous ceux qui ont un cœur sincère devant Dieu. Aunque no lo entienda. Même si tu ne le comprends pas. Y aunque le dé miedo. Et même si tu as peur. No juzga. Il ne juge pas. Medita en Dios. Mais il médite en Dieu. Busca a Dios. Il cherche de Dieu. Que Dios le hable. Que Dieu lui parle. Y a la larga. Et un temps après. Lo vive. Il le vivra. Lo vive. Il le vit. Porque Dios ve su sinceridad. Parce que Dieu regarde sa sincérité. Dios es todopoderoso, hermano. Dieu est tout puissant. Para hacerlo. Pour pouvoir le réaliser. Algunos dicen, no, esta nación no va a cambiar. Il y a des gens qui disent non, cette nation ne va jamais Dios changer. No puede visitarla. Dieu ne peut pas rendre visite. Eso no es cierto. Mais ce n'est pas vrai. Dios es todopoderoso. Parce que Dieu est tout puissant. Dios puede. Et Dieu peut. Dios puede. Dieu peut. Si Dios encuentra un corazón, hermano. Si Dieu trouve un seul cœur. Un corazón. Un seul que cœur. Que crea. Qui croit. Ciertamente. Certainement. Y que lo espera. Et qui l'attend. Y lo busca. Et le cherche. Dios lo derrama. Alors Dieu se verse. Dios lo derrama. Dieu se verse. Porque Dios ama las almas. Parce que Dieu aime les âmes. Dios ama las naciones. Parce que Dieu aime les nations. Dios ama la iglesia. Dieu aime l'église. Entonces él busca. Alors lui cherche. Todo el tiempo. Tout le temps. Busca. Il cherche. Qu'est-ce lo que busca, hermano? Et qu'est-ce qu'il cherche, frère et sœur? Busca un hombre. Il cherche un homme. O una mujer. O une femme. Que sea una puerta. Qui puisse être une porte. Abierta. Ouverte. Para que él entre. Pour qu'il puisse rentrer. Y sacuda la nación. Et secouer la nation. Eso es lo que Dios está buscando. Et c'est ce que Dieu est en train de chercher. Uno solamente. Un seul seulement. Uno. Un. Si son 10 mejor. Si son 10 mejor. Et si se trouve à 10, tant mieux. Uno. Mais un. Uno. Un. Que diga. Un qui puisse dire. Creo. Je crois. Yo creo. Je crois. Y lo espero. Et j'attends pas. Quiere que Dios le visite. Pardon, et je l'attends. Vous voulez que Dieu vous rende visite? No quiere, hermano. Non, vous voulez pas. No quiere. Vous voulez pas. Ni siquiera está entendiendo lo que le digo. Vous êtes même pas en train de comprendre ce que je suis en train de vous partager. No lo está entendiendo. Hermano. Vous êtes pas en train de comprendre. No se preocupe. Mais il faut pas s'en faire. Porque esto es a su espíritu. Parce que cela est dirigé à votre esprit. Fíjense algo muy interesante. Regardez quelque chose d'intéressant. Todos negaron a Jesús, hermano. Ils ont tous nié Jésus. No solo Pedro. Pas seulement Pierre. Todos. Tous. Pedro estaba en el jardín. Pierre, il se trouvait dans le jardin. Y dijo tres veces que no lo conocía. Et lui, il a dit trois fois qu'il le connaissait pas. Pero todo el resto estaba escondido, hermano. Mais tout le reste, ils étaient cachés. Porque no creyeron. Parce qu'ils ont pas cru. Y tuvieron temor. Et ils ont eu crainte. Como predicó mi hermano en una iglesia africana. Comme mon frère a prêché dans une église africaine. El temor es la ausencia de la fe. La crainte, c'est l'absence de la foi. Si estaban todos escondidos, es porque no creían, hermano. S'ils étaient tous cachés, c'est parce qu'ils n'ont pas cru. Pero cuando Jesús resucitó, mais quand Jésus a ressuscité, y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, et quand le Saint-Esprit est venu sur eux, lo que había en ellos cambió, hermano. Si, ce qui demeurait en eux, ils ont changé. Esos tres años de enseñanza de Jesús. Ces trois années d'apprentissage de Jésus. Tomaron vida por el poder del Espíritu. A commencé à prendre vie par le Saint-Esprit. Estaba dentro de ellos. Ils se trouvaient en eux. Todo lo que Jesús les había enseñado. Tout ce que Jésus les avait montré, enseigné. Y aunque no entendían nada, hermano. Même s'ils comprenaient rien du tout. Jesús les dice, guárdense la levadura. Jésus les a dit, gardez-vous de la levure. Y ellos decían, se enojó porque no trajimos pan. Et alors ils ont commencé à se fâcher parce que ils disent, comment ça se fait, on n'a pas porté le pain. Y Jesús les dice, cómo no se dan cuenta que le hablo de la doctrina de los fariseos. Mais comment est-ce que vous pouvez pas vous rendre compte que je suis en train de vous parler de la doctrine des pharisiens. Eso demuestra que no entendían nada, hermano. Et ça montre qu'ils comprenaient rien du tout. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, mais quand le Saint-Esprit est venu sur eux, las enseñanzas de Jesús tomaron vida. Les enseignements de Jésus ont commencé à prendre la vie. Y Pedro se paró. Et alors Pierre, il s'est mis debout. Delante de una multitud. Devant une multitude. Y no les dijo qué lindos que son. Il n'a pas commencé à dire oh que vous êtes beaux. Les dijo ustedes mataron al Mesías. Il leur a dit vous avez tué le Messie. ¿Por qué? Pourquoi? La potencia de Dios. La puissance de Dieu. La potencia. La puissance. Algo cambió en ellos, hermano. Il y a quelque chose qui a changé en eux. Eran unos pobrecitos. C'était des pauvres. Esperando. Qu'ils attendaient. Cuando el Espíritu Santo vino. Mais quand le Saint-Esprit est venu. Enfrentaron una multitud. Ils ont confronté une multitude. Y 3000 se convirtieron. Et 3000 se sont convertis. Eso es el Espíritu Santo en mí. Et c'est cela, le Saint-Esprit en eux. Y en ti. Et en toi. Él es todopoderoso. Il est tout puissant. Mira lo que dice el Salmo 139. Regardez dans le Psaume 139. Leo estos textos para conocerle un poco al Espíritu Santo. Il faut lire ce texte pour pouvoir connaître un petit peu le Saint-Esprit. 139:7. C'est le 139:7. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Señor hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Où pourrais-je aller pour échapper à ton esprit? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Su espíritu está en todas partes, hermano. Son esprit, il est partout, frère et soeur. Está aquí con nosotros. Il est ici avec nous. Está en Francia, en alguna iglesia. Il est en France, dans les églises. Está en Argentina. En Argentine. Está en todas partes. Il est partout. El Espíritu Santo es omnipresente. Parce que le Saint-Esprit, il est omniprésent. ¿Qué muestra esto, hermano? Et qu'est-ce que nous montre ceci? Que es Dios. Que c'est Dieu. A veces tenemos la idea que el Espíritu Santo es una fuerza. Parfois on a l'idée que le Saint-Esprit c'est une force. Es una bola de fuego. C'est une boule de feu. Es un campo energético. C'est un champ énergétique. Eso creen los testigos de Jehová, hermano. Et c'est ce qui croient les témoins de Jéhovah. No nosotros. Pas nous. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est Dieu. Es la maravillosa tercera persona de la Trinidad. Et c'est la merveilleuse personne de la Trinité. Es el que está en medio nuestro. C'est celui que se trouve au milieu de nous. Jesús está sentado a la diestra del trono. Jésus, il est assis à la droite du Père, du el trône. El Padre está en el trono. Le Père, il est dans le trône. ¿Quién está en medio nuestro? Et qui se trouve parmi nous? El Espíritu Santo. Le Saint-Esprit. ¿Qué dijo Jesús? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Él tomará de mí y os lo hará saber. Lui prendra de moi et vous le fera savoir. ¿Quién nos está enseñando sobre Jesús? C'est qui est en train de nous apprendre au sujet de Jésus? El Espíritu Santo. C'est le Saint-Esprit. Nos enseña. Qui nous montre, la qui nous enseigne. La persona de Jesús. La personne de Jésus. ¿Quién levanta el nombre de Jesús en medio de los pueblos? C'est qui élève le nom de Jésus parmi les peuples? Es el Espíritu Santo. C'est le Saint-Esprit. Dentro de la iglesia. Dans l'église. Levanta y alza el nombre de Jesús. Et élève et soulève le nom de Jésus. Por eso todo aquel que reniegue del nombre de Jesús. C'est pour ça que tout celui qui nie le nom de Jésus. El Espíritu Santo no está en él. Le Saint-Esprit ne se trouve pas en lui. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es dado por el Espíritu Santo. Et personne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Mais quand nous sommes remplis par la présence du Saint-Esprit. Levanta el nombre de Jesús. Nous élevons le nom de Jésus. Alors, el nombre de Jesús. Et vous d'adorer le nom de Jésus. Y las naciones son salvas por el nombre de Jesús. Et les nations sont sauvées par le nom de Jésus. Si la iglesia no está llena del Espíritu Santo. Si l'église n'est pas remplie par le Saint-Esprit. No puede levantar el nombre de Jesús. Vous pouvez pas remplir et lever le nom de Jésus. Y no hay salvación para el mundo. Il y a pas de salut pour le monde. Por eso el diablo está siempre interesado. Et c'est pour ça que le diable il est toujours il s'intéresse, pardon. Que los cristianos no sean llenos del Espíritu Santo. Au niveau que les chrétiens soient pas remplis du Saint-Esprit. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. El Espíritu Santo es para la época de Pedro y Pablo. El Espíritu Santo es para la época de Pedro y Pablo. Le Saint-Esprit c'est seulement pour l'époque de Pierre et de Paul. No es para ahora. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Non, non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, Espíritu Santo. Non, pas Saint-Esprit. Pas Saint-Esprit. Non, Espíritu Santo. Non. Non. Non. Non. Porque el diablo sabe, hermano. Parce que le diable sait. Que la única forma. Que la seule façon. De levantar el nombre de Jesús. De lever le nom de Jésus. Es por el poder del Espíritu Santo, hermano. C'est par la puissance du Saint-Esprit. No hay otra. Il y a pas d'autre façon. No hay otra. Il y a pas d'autre façon. Si quiere buscar otra, búsquela. Si vous voulez vous chercher une autre façon de le faire, no cherchez-la. La va a encontrar. Mais vous allez pas la trouver. No hay otra. Ah. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Ahora me está entendiendo. Maintenant vous commencez à me comprendre. Él está en todas partes, hermano. Il se trouve partout, frères et sœurs. Muy interesante lo que dice la Biblia. Et c'est intéressant ce qui est écrit dans la Bible. Pablo dice. L'apôtre Paul dit. Que Dios no está lejos de nosotros. Que Dieu ne se trouve pas éloigné de nous. En él somos. C'est en lui que nous sommes. Nos movemos y vivimos. Nous nous mouvons, nous nous bougeons et nous vivons. Somos en él, hermano. Parce que nous sommes en lui. ¿Me entiende? Vous comprenez? Como estamos aquí dentro de este edificio, là où nous nous trouvons dans ce bâtiment, así estamos en él. De même, on est en lui. Claro, nosotros oramos. Bien sûr, nous nous prions. Desciende, Espíritu Santo. Et nous disons, descend, Saint-Esprit. Y queremos que desciende. Et nous voulons qu'il descende. Pero en realidad no desciende. Mais dans la, en vérité, il descend pas. Ni sube. Ni il monte. Ni toma el tram y viene. Il prend pas le tram et il vient. En él somos. Parce qu'on est en lui. En él nos movemos. En lui on bouge. En él vivimos. Et c'est en lui que nous vivons. ¿Qué es lo que pasa? Et qu'est-ce qui se passe alors? Cuando yo tengo un concepto religioso de Cristo. Quand j'ai un concept religieux de Christ. Mi incredulidad. Ma incrédulité. No permite la manifestación del Espíritu Santo. Il empêche la manifestation du Saint-Esprit. Porque Dios me dio la libertad para decidir a mí. Parce que Dieu m'a donné la liberté de décider. Libre albedrío. Le libre arbitre. Y yo pienso. Et alors moi je pense. No es para este tiempo. Ce n'est pas pour ce temps. No es lo que hoy necesitamos. Ce n'est pas ce qu'aujourd'hui nous avons besoin. No queremos al Espíritu Santo. Nous avons pas besoin du Saint-Esprit. No hay problema. C'est pas grave, y a pas de problème. Él no va a manifestarse en su vida. Il sera pas manifeste dans votre vie. Porque él se limita por su incredulidad. Parce que lui il est limité à cause de ton incrédulité. ¿Qué dice la Biblia? Qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Que Jesús en una ciudad no hizo milagros a causa de la incredulidad de la gente. Que Jésus dans une ville il a pas fait des miracles à cause de l'incrédulité des gens. Pero cuando uno cree, hermano. Mais alors que nous croyons. Cuando uno cree. Quand nous croyons. Ciertamente. Vraiment certainement. Tiene la certeza en su espíritu, vous hermano. Vous avez la certitude dans votre esprit. No es algo en la mente. Ce n'est pas quelque chose dans ni les en el pensées, corazón. Ni, mais dans le cœur. Es una certeza. C'est une certitude. Interna. Interne. Que el Espíritu Santo pone ahí. Dont le Saint-Esprit met là. Y uno cree. Et alors vous croyez. Cree. Et vous croyez. Y espera. Et vous attendez. Uno lo vive, hermano. Alors, on le vit. No sé si conocen al pastor Guilán. Est-ce que vous connaissez le pasteur Guilán? ¿Lo conocen? Vous le connaissez? Es un pastor africano. C'est un pasteur africain. Hace conferencias aquí. Il fait des conférences ici. Cuando él me llama por teléfono, quand lui me téléphone, antes de empezar a hablar con él, avant de commencer à parler avec lui, le digo, je lui dis, pastor, pasteur, the revival is coming. Le réveil il vient. El avivamiento viene. Le réveil vient. Pastor, pastor, el avivamiento viene. Le réveil vient. Y él se ríe. Y alors il commence à rire. Y me dice sí, sí, sí. Il me dit oui, oui, oui. Viene. Il arrive. Y yo sé que él y yo lo vamos a ver, hermano. Et moi je crois, je sais que lui et moi nous allons le voir. ¿Por qué? Pourquoi? Tenemos la certeza. Parce que nous avons la certitude. La certeza. La certitude. De que viene. Qu'il arrive. Que él va a visitar esta iglesia y la nación. Et qu'il va rendre visite cette église viene. Et la nation. Viene. Il vient, il vient. Viene. Il vient. Viene. Il vient. Mire que está a su lado y dígale, viene. Dis-lui à celui qui est à ton côté, dis-lui, viens, il vient. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Gloria al Señor. Gloire au Seigneur. Y podíamos leer un montón de cosas más. Mire, se lo digo así rápido. Et nous pouvons lire encore beaucoup plus de versets. Je vais vous les partager vite. Versículo 6 de Génesis. Después lo lee. Versículo 3 dice que el Espíritu Santo contiende con el hombre. Le verset 6 de Genèse 3, il dit que le Saint-Esprit contiene. Contiende. Il contient l'homme. Lo resiste. En fait, il résiste. Hablando de ese tiempo, después dice Job 32:8 que da luz espiritual. Job 32:8 dit qu'il donne la lumière spirituelle. Si usted ve en Éxodo, dice que le dio sabiduría y habilidad para construir el templo a los que iban a trabajar. En Éxodo, il dit qu'il a donné la sagesse et l'habilité de pouvoir construire le temple. Si usted lee en varios versículos del libro de Jueces, et dans le livre de Juges, dans plusieurs versets, il dit, dice que el Espíritu Santo los capacitó a cada juez para hacer lo que tenía que hacer. Vino sobre él. Le Jefté dit que un autre juge, que le Saint-Esprit il est venu sur lui, il s'est posé sur lui. Y Jefté comenzó a visitar las ciudades de Israel para levantar a Israel. Et alors il a commencé à rendre visite aux villes d'Israël pour pouvoir élever le peuple d'Israël. Quiere decir que el Espíritu Santo capacita al hombre. Ça veut dire que le Saint-Esprit il donne la capacité à l'homme. Para la misión que el hombre tiene que hacer. Pour la mission que l'homme doit accomplir. Usted tiene algo que hacer para Dios. Vous devez faire quelque chose pour Dieu. Dios tiene un plan para su vida. Parce que Dieu a un plan pour votre, avec votre vie. Necesita que el Espíritu Santo le capacite. Mais vous avez besoin que le Saint-Esprit vous capacite. Jesús les enseñó a los discípulos por tres años y medio. Jésus lui a enseigné à ses disciples pendant 3 ans et demi. Pero necesitaron que el Espíritu Santo viniera. Mais ils ont eu besoin que le Saint-Esprit vienne. Para capacitarlos. Pour leur capacité. Para darle el poder. Pour leur donner la puissance. Para hacer lo que hicieron. Pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Iglesia. Église. Necesita ser visitada por el Espíritu Santo. L'église doit être visitée par le Saint-Esprit. Necesitas que el Espíritu Santo te capacite. Tu as besoin que le Saint-Esprit te donne la capacité. Necesitas que el Espíritu Santo te dé el poder. Tu as besoin que le Saint-Esprit te donne la puissance. Para hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Pour réaliser et faire ce que Dieu t'a commandé à faire. Amen. Amen. Et le Nouveau Testament. Mire qué más. Regardez quoi de plus. Cuando el ángel se le aparece a María le dice. Quand l'ange il vient à Marie, lui dit. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Y engendrará al Mesías en tu vientre. Et alors tu engendras le Messie dans ton ventre. Sin el Espíritu Santo. Parce que sans le Saint-Esprit. Nunca hubiera sido engendrado Jesús. Jésus sera jamais engendré. Y hoy no tendríamos Mesías. Et aujourd'hui il n'aura pas de Messie. Y algunos dicen no lo necesitamos. Et quelques-uns disent on n'a pas besoin de lui. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Mire, el Espíritu Santo es una persona. Regardez, le Saint-Esprit c'est une personne. Vamos a leer en Juan 14. En Jean 14. Oh Espíritu Santo, te necesitamos. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ayúdanos. Aide-nous. Juan 14, 16. Jean 14, 16. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. Para que esté con vosotros para siempre. Au consolateur, dans une autre version, pour qu'il soit avec vous pour toujours. Hoy temprano a la mañana leímos este texto. Hoy temprano a la mañana. Aujourd'hui, au matin, on a lu ce texte. Hablamos de este texto. On a lu ce texte. ¿Por qué Jesús dice otro consolador? Et pourquoi Jésus dit un autre consolateur? ¿Cuántos consoladores hay, hermano? Il y a combien de consolateurs, frères et sœurs? Porque si no hubiera dicho, os enviaré el consolador. Parce que sinon, il aurait dit, je vous enverrai le consolateur. Y él dice, voy a enviarles otro consolador. Mais par contre, il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. La palabra consolador en griego, paracleto, significa alguien que se pone a tu lado para ayudarte. La parole en grec parakleto, il veut dire qu'il va mettre quelqu'un de ton côté pour t'aider. Se pone a tu lado para enseñarte. Il se met de ton côté pour t'enseigner. Para animarte. Et pour t'encourager. Para fortalecerte. Pour te fortifier. Para que no estés solo. Pour que tu sois pas seul. ¿Quién es el otro, hermano? Qui est l'autre, frère et sœur? Mire lo que dice. Regardez ce el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. L'esprit de la vérité que le monde ne connaît pas, ne peut pas recevoir, pardon, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. ¿De quién está hablando, hermano? ¿De qui il parle ici? ¿Quién es ese consolador, que ese espíritu de verdad que está con ellos? C'est qui ce consolateur, cet esprit de vérité qui est avec eux? ¿Quién es? C'est qui? No, el Espíritu Santo iba a ser enviado. No, le Saint-Esprit il sera envoyé. ¿Quién es el que está con ellos? C'est qui se trouve avec eux? Jesús. Jésus. Jesús. Jésus. Jesús. Jesús. Y mire lo que dice. Regardez el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sí, dijo. El Espíritu de la verdad que el mundo no puede pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. La palabra paracleto, la parole paracleto se usa cuatro veces en la Biblia. On l'utilise quatre fois dans la Bible. Tres para el Espíritu Santo. Trois utilisés pour le Saint-Esprit. Y una para Jesús. Et un qui se réfère à Jésus. En el texto que dice, dans le texte qu'il est dit, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Avocat, nous avons Jésus-Christ le juste. Esa palabra abogado, et cette parole avocat, es paracleto. C'est paracleto. El otro consolador es Jesús. Paracleto. C'est l'autre consolateur de Jésus. Quiere decir que Jesús y el Espíritu Santo son la misma cosa, hermano. Ça veut dire que Jésus et le Saint-Esprit c'est la même chose. Son la misma persona. C'est la même personne. Es necesario que Jesús se vaya. Et c'est nécessaire que Jésus s'en aille. Porque Jesús. Parce que Jésus. O en Jesús Dios. Et le Jésus Dieu. Limitó. Il a limité su atributo de omnipresencia. Son attribut de omniprésence. Él no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Lui pouvait pas être partout dans le même temps. Pero si el Espíritu Santo viene. Mais si le Saint-Esprit vient. Eso le está diciendo Jesús. C'est cela qui Jésus te dit. Es necesario que yo me vaya. C'est nécessaire que je m'en aille. Porque si él viene. Parce que si lui vient. Va a estar en ustedes. Il sera en vous. En todas partes del mundo. En toute part dans le monde entier. El omnipresente Dios. L'omniprésent Dieu. Habita en nosotros. Demeure en nous. En Cristo no podría haber sido así. En Christ, ça pourrait pas passer comme ça. Por eso Jesús dice. C'est pour ça que Dieu dit. Es necesario. C'est nécessaire. Que yo me vaya. Que je m'en aille. Si me voy. Si je m'en vais. Lo enviaré. Alors je l'enverrai. Y lo envió, hermano. Et il l'a envoyé, frères et sœurs. Y hoy tenemos esa comunión íntima con él. Et aujourd'hui nous avons cette communion intime avec lui. Maravillosa. Merveilleuse. Cristo en nosotros. Christ en nous. Esperanza de gloria. L'espérance de gloire. Esto no es religión. Ce n'est pas une religion. No es un concepto religioso. Ce n'est pas un concept religieux. De Dios. De Dieu. Es la persona de la Trinidad. Et c'est la personne de la Trinité. En nosotros. En nous. En todo el mundo. Dans tout le monde. El gran milagro de Dios. Le grand miracle de Dieu. Qué bueno es Dios, hermano. Oh, combien bon Dieu, frère et sœur. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Mire alguno a su lado, dígale, che, despertate. Dis celui qui est à ton côté et dis-lui, hé, hey, réveille-toi. El Espíritu Santo quiere visitarte. Parce que le Saint-Esprit veut te rendre visite. Tienes que estar atento. Tu dois être attentif. Bueno, si uno lee, hermano, algunos atributos de él, por ejemplo. Si nous pouvons lire des attributs de lui. Dice que convence de pecado. Il dit qu'il convainc du péché. Una cosa no convence de pecado, hermano. Una cosa no puede convencer a nada de pecado. Une chose peut pas convaincre quelqu'un du péché. Tiene voluntad propia. Parce qu'il a une volonté propre. Si usted lee después en 1 Corintios capítulo 12, dice que él le da los dones, reparte los ministerios y los dones. En 1 Corintios 12, vous pouvez lire que lui, il partage ses dons. Como él quiere. Comme lui, ça lui plaît. Tiene voluntad. Il a une volonté. No es una bola energética. Ce n'est pas une boule énergétique avec énergie. Tiene pensamiento. Il a une pensée. Tiene voluntad. Il a une volonté. Convence. Et alors il convainc. Es contristado. Il est contrit. Il est attristé, pardon. Una cosa no puede ser contristada, hermano. Mais une chose peut pas être attristée, frère et sœur. Mire, yo miro a la silla y le digo. Venez, regardez, je dis à la chaise et je lui dis. Fea. Laid. Negra y cuadrada. Tu es noir et carré. No se pone mal, ¿eh? Alors elle va pas se sentir mal. No son feas, son lindas. Et ils sont pas laides, hein, sont jolies, hein, les chaises. Pero póngale que yo quiero hacerla enojar, no se enoja. Mais alors si on suppose que moi je veux la faire fâcher, elle va pas se fâcher, quoi. Ou al bafle. Ou peut-être al parlante. Parlante. Allô parleur. Cuadrado. Tu es carré. Y negro. Et tu es noir. Y feo. Elle est. Las cosas no se ofenden. Les choses, ils s'en font, ils se offensent. Si el Espíritu Santo puede ser ofendido, mais si le Saint-Esprit peut être offensé, revela que es una persona, hermano. Il se révèle que c'est une personne. Y yo tengo que tener cuidado. Et moi, je dois faire attention. No puedo ofenderlo. Parce que je peux pas l'offenser. No quiero ofenderlo. Et je veux pas l'offenser. Mi vida, no quiero que nada en mi vida lo contriste. Je veux que rien dans ma vie lui donne la tristesse. Y lo aparte de mí. Lo aparte de mí. Et qu'il soit séparé de moi. David siempre le decía a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. David disait, ne enlève pas de moi ton Saint-Esprit. Sabía. Parce qu'il savait. Lo importante que era tener el Espíritu Santo. L'importance d'avoir le Saint-Esprit. Hoy a la iglesia, no digo esta iglesia, pero en general. Aujourd'hui à l'église, je dis pas cette église, mais en général. No le preocupa. Ça lui préoccupe pas. Ofender al Espíritu Santo, hermano. Offenser le Saint-Esprit. Hablamos con mucha rapidez. Et nous parlons avec beaucoup de rapidité. Imagínese Dios obrando. Vous vous imaginez Dieu à l'œuvre. Y uno ahí. Et nous là. Catador del Espíritu Santo. On est le testeur, ce qui teste le Saint-Esprit. Eso no es de Dios. Ça, ce n'est pas de Dieu. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo, hermano? Vous vous imaginez comment est-ce que le Saint-Esprit peut se sentir? Él está obrando con todo su amor. Parce que lui, il est en train de agir avec tout son amour. Hacia nosotros. Envers nous. Para bendecirnos. Pour nous bénir. Porque nos ama. Parce que lui nous aime. Y nos ve a nosotros. Et il nous regarde. Eso es del diablo. Il nous regarde en faisant ça, c'est du diable. Comment se sentiria usted? Comment est-ce que vous allez vous sentir? Si usted hace algo para su hijo. Si vous faites quelque chose pour votre enfant. Y su hijo lo menosprecia. Et alors ton fils te méprise. Dice, esto no es de mi papá. Et il dit, ça vient pas de mon mi père. Papá no puede hacer esto. Parce que mon papa il peut pas faire cela. Lo hizo el papá de fulano. Il a fait le papa de telle personne. Usted se sentiría mal. Alors vous allez mal vous sentir, vous allez vous sentir mal. Entonces tengamos cuidado de qué decimos. Alors faisons vraiment attention de ce que nous disons. No lo entiendo. Je ne comprends pas. No digo nada. Je ne dis rien. Dios sabe. Dieu sait. Como decía un profesor del Instituto Bíblico. Comme un professeur de l'Institut Biblique disait. Cuando le preguntábamos algo difícil. Quand on lui posait une question un peu difficile. Él decía. Lui disait. Lo revelado es para nosotros. Tout ce qui est révélé c'est pour nous. Lo no revelado no. Et tout ce qui n'est pas révélé pas. Y se iba. Alors il partait. Y nos quedamos así pensando, ¿qué quiere decir con eso? Et alors nous on restait là, on se regardait les uns aux autres, on se demandait, ben, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Esperamos una elocuente. On attendait une éloquence. Explicación. Une éloquence explication. Y él decía, si no está revelado. Et alors celui disait simplement, s'il n'est pas révélé. No es para ustedes. Ce n'est pas pour vous. Dios nos ama, hermano. Dieu nous aime, frères et sœurs. Mire lo que dice 2 de Corintios. Regardez en 2 Corinthiens. Capítulo 13. 2 Corinthiens 13. Versículo 14. También habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo en otro texto. Quiere decir que él puede ser blasfemado. Il parle aussi sur la blasphème sur le, contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que lui aussi peut... On peut lui dire du mal. Las cosas no pueden ser blasfemadas. Mais les choses, il peut pas recevoir une blasphème. Una bola energética no puede ser blasfemada, hermano. Une boule d'énergie peut pas être on peut pas parler de mal. Él es una persona. Mais lui c'est une personne. Sensible. Qu'elle est sensible. Amorosa. Amoureuse. Poderosa. Puissante. La Biblia lo compara como una paloma. La Bible nous le compare avec une colombe. ¿Vio cómo son las palomas? Vous voyez comment les colombes sont. Uno se acerca despacito. On s'approche tout doucement. Y la paloma ahí está dando vuelta y mira. Et la colombe il tourne en rond et regarde. Se va acercando. On s'approche tout doucement. Si uno hace un movimiento brusco. Y alors si on fait un mouvement brut. Se va volando, hermano. Il s'en va. Esto es igual. Et ça c'est la même chose. Cuando el Espíritu Santo viene, hermano. Quand le Saint-Esprit vient. Uno tiene que tener cuidado. On doit avoir précaution. No contristarlo. Pour ne pas l'attrister. Adorarlo a él. L'adorer à lui. Amarlo. L'aimer. Decirle no te vayas. Et lui dire ne t'en va pas. No te vayas. Ne t'en va pas. Quédate conmigo. Reste ici avec moi. Cuidar. Garder. La santidad. La sainteté. De nuestro corazón. De notre cœur et de l'Église para que Dios habite ahí. Pour que Dieu puisse demeurer là y nos visite. Alors il nous rend visite. No hablar cosas que no conviene, hermano. Ne pas parler des choses qui ne nous conviennent pas. Basta de chisme. Arrêtons de la médisance, le commérage. Dígale que está a su lado. Dis-lui à celui qui est à ton côté. Basta de chisme. Arrête de commérer. Queremos que Dios nos visite. Nous voulons que Dieu nous rend visite. Mírelo y dígale a los ojos. Regarde-le et dis-lui aux yeux, pardon. Hermano, frère. Queremos que Dios nos visite. Nous voulons que Dieu nous rend visite. Basta de chisme. Arrête de commérer. De commérage. Mire lo que dice entonces 2 de Corintios. Alors regardons ce qui est écrit en 2 Corinthiens 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soit avec vous tous. La comunión, léelo de nuevo. La comunión. La comunión del Espíritu Santo. La comunión que viene de Dios y del Santo Espíritu. Tenemos que tener comunión con él. Nous devons avoir cette communion avec lui. Amistad con él. Une amitié avec lui. Una relación con el Espíritu Santo. Une relation avec le Saint Esprit. Sabe, una vez leí una frase que me quedó en el corazón. Vous savez, un jour j'ai lu une phrase que il est resté dans mon cœur. Y decía. Et alors il disait. Un religioso es. Un religieux est una persona que no conoce a Dios. C'est une personne qui connaît pas Dieu. Que le habla a otra persona que tampoco conoce a Dios. Mais donc qui parle à une autre personne que l'autre personne connaît pas Dieu non plus. De alguien que sí conoce a Dios. Et parle de quelqu'un que lui oui connaît Dieu. Un ejemplo. Un exemple. Yo soy un cristiano. Je suis un chrétien. Religioso. Religieux. De años. Des années. Eso como en Argentina le dicen chupasirios. Como en Argentina dicen chupasirios. Que van siempre con la vela, ¿vio? Que va toujours avec une bougie. Tengo un tío, le voy a contar algo gracioso. Lâche bougie. Un tío tengo. Et j'ai un oncle. Muy religioso. Qu'il est très religieux. Se fue a la Virgen, no me acuerdo de cuándo. Fue a ver a la Virgen de Luján. Il est parti chercher la Vierge, je ne sais pas depuis combien de temps. Él quería que sus hijos estuvieran en la escuela militar. Lui voulait que ses enfants soient inscrits dans l'école militaire. Y los hijos no querían. Mais les enfants ils voulaient pas. Entonces fue a hacerle una promesa a la Virgen. Alors il était trouvé la Vierge pour lui faire une promesse. Para que los hijos entraran a la carrera militar. Pour que les enfants puissent accepter et rentrer dans l'école militaire. Iban con mi tía. Et ils allaient ensemble avec ma tante. Compró una vela así alta, hermano. Y alors il a acheté une bougie comme ça. Se ve que lo quería de verdad. Ainsi, pardon. Y así ancha. Elle était grosse comme ça. Y se paró, esto me lo cuenta mi tía, ¿eh? Et c'est ma tante qui m'a raconté cela. Se paró enfrente a la Virgen. Il s'est mis debout en face de la Vierge. Levantó la vela y dijo. Il a soulevé la bougie, il a dit. Yo te prometo. Je te promets. Que si mis hijos que si mes enfants no entran al colegio militar, ne rentrent pas dans le collège militaire, ves esta vela, tu vois cette bougie, te la parto en la cabeza, je vais la casser sur ta tête. Y mi tía lo mira y dice, pero Juan. Y alors ma tante dit, mais Jean, Juan, Jean. Se llama Juan, mi tía. Parce que mon oncle il s'appelle Jean. ¿Qué clase de promesa es esa? Quel genre de promesse c'est là? Algunos prometen caminar kilómetros. Il y a des gens qui promettent de marcher des kilomètres. Subir las escalinatas de rodillas. De monter les escaliers à genoux. Él le quería partir la vela en la cabeza, hermano. Mais lui il voulait casser sa bougie sur la tête de la Vierge. Eso es el religioso. Et ça c'est être religieux. Entonces un religioso, por ejemplo yo religioso. Par exemple moi religieux. Conozco la palabra. Je connais la parole. Y todo para mí es religión, religión, religión. Et tout pour moi c'est religion, religion, religion. 20 años en la iglesia. 20 ans dans l'église. Vamos a poner 50 años, hermano. Allez, même 50 ans. No vi un milagro en mi vida. Je n'ai pas connu un miracle dans ma vie. Porque no creo. Parce que je crois pas. Entonces me acerco a un inconverso, Arturo. Alors je m'approche à un inconvert. Hay que orar para que se convierta. Hay que orar para que se convierta. Il faut prier pour que soit converti. No. Es un santo de Dios. Non, c'est un saint de Dieu. Entonces le digo, Arturo. Alors je lui dis, Arturo. ¿Conoces a Dios? Est-ce que tu connais Dieu? No. No. ¿Quieres que te presente a Dios? Tu veux que je te présente Dieu? Oui. Sí. Se me olvidó, hermano. Tengo una laguna. Es un océano mi mente. J'ai un océan dans ma pensée. Bueno, él me dice que sí. Alors il me dit oui. Y él me pregunta. Y alors je lui pose la question. ¿Tú lo conoces? Est-ce que tu le connais? Y yo le digo no. Alors moi je dis non. Pero conozco al pastor Vega. Mais je connais le pasteur Vega. Que sí lo conoce. Lui oui le connaît. Y dice. Alors lui dit. Que te ama. Qu'il t'aime. ¿Qué soy yo, hermano? Qu'est-ce que je suis moi? Un religioso. Un religieux. No conozco a Dios. Je connais pas Dieu. Pero hablo de las experiencias de otros. Mais je parle des expériences d'autrui. Con Dios. Avec Dieu. Yo amo ver las experiencias de otros y leer de otros. Moi, j'aime voir les expériences d'autres et lire au sujet d'autres. Pero yo quiero mi experiencia con Mais él. Moi, je veux mon expérience propre. Quiero esa comunión con él. Je désire cette communion avec lui. Yo quiero vivir de su mano. Je veux vivre de sa main. Quiero conocerle en secreto. Je veux le connaître dans le secret. Quiero que él entre en mi habitación y me despierte de noche. Je veux qu'il rentre dans mon habitation et qu'il me réveille pendant la nuit. Y me hable. Et qu'il me parle. Y me enseñe la escritura. Et qui m'enseigne l'écriture. Quiero esa comunión con él. Moi je veux avoir une communion avec lui. Yo me gozo viéndolo, leo los milagros que Dios hace con otros. Je me réjouis en train de lire le miracle qu'il fait avec les autres. Pero yo quiero esa comunión. Mais moi je désire cette communion. Yo siempre le digo a Dios, visítame. Je dis tout le temps à Dieu, rends-moi visite. Visítame. Rends-moi visite. Visítame. Rends-moi visite. Ven de noche a mi casa. Viens pendant la nuit dans ma maison. Yo me he quedado varias noches sentado en el living, hermano, esperándole. Je restais déjà pendant des nuits assis sur le lit en train de l'attendre. Todo oscuro. Tout était obscur. Sentado. J'étais assis. Y diciendo Señor. Et je disais Seigneur. Visítame. Rends-moi visite. Visítame. Rends-moi visite. Visítame. Rends-moi visite. Háblame. Parle-moi. Enséñame. Enseigne-moi. Espíritu Santo. Oh Saint-Esprit. Comunión. Une communion. La búsqueda de Dios. La recherche de Dieu. No es religión, hermano. Et cela, ce n'est pas une religion, frère. La religión no nos enseña a buscar la intimidad. Parce que la religion ne nous enseigne pas à chercher l'intimité. Pero cuando uno busca a Dios. Mais quand nous cherchons Dieu. Mire, yo tenía en mi casa, ya no lo tengo más. Tenía un lavadero. Regardez, chez moi j'avais un lavabo. Sería más o menos angosto desde aquí donde estoy parado hasta aquí. C'était plus ou moins cette largeur là. Bien finito. Il était petit. Y de largo sería hasta aquí más o menos. Et de long c'était comme ça. Chiquitito. C'était petit. Yo puse una mesa ahí adentro y una silla. Alors j'ai mis une table là-dedans et une chaise. Y una puerta corrediza. Avec une porte. Y había predicado mi pastor. Et mon pasteur il avait prêché. Sobre el peso de gloria. Sur le poids de gloire. Y yo volví de la, del culto. Alors je suis rentré du culte. Y me encerré en ese lavadero. Et je me suis enfermé. En el lavaderito. En el lavadero. ¿Dónde está el lavarropas? Y... Ah oui, c'est une buanderie. C'est une buanderie. Et alors je me suis enfermé là-dedans. Es donde está la máquina de lavar la ropa. Une buanderie. Oh, buanderie. Buanderie, oui. Buanderie, c'est ça? El México lavaderos para lavarse las manos. Je suis, ¿cómo se dice? Dentro, dentro. Dedans. Dedans. La. La. Buanderie. Buanderie. ¿Tú compris? ¿O no compris? Bueno, y ahí me encerré, hermano. Alors je me suis enfermé là. Y estaba con mi Biblia orando. Et je me trouvais là avec ma Bible en train de prier. Y de pronto, hermano, et à un moment donné, el lugar se llenó de la presencia de Dios. Cet endroit-là, il s'est rempli de la présence de Dieu. Y empecé a sentir un peso arriba mío tan fuerte, hermano. Et j'ai commencé à sentir un poids, un fardeau tellement lourd sur moi, frère. C'est... Que las manos me dolían. Que même les mains, j'avais mal aux mains. Y el corazón hacía tu, tu, tu, tu, tu, et mon cœur battait comme ça. Y yo dije, voy a morir. Et je me suis dit, oh, je vais mourir ici. Yo voy a morir. Je vais mourir. Y salí corriendo del lavadero, hermano. Alors, j'ai parti en courant de là. Crucé toda la casa. J'ai traversé toute la maison. Mi madre me dice, ¿qué pasa? Et ma maman, elle m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe? En esa época vivía. Parce que à cette époque-là, elle vivait encore. Y yo le digo, mira lo que está pasando en el lavadero. Allez voir, maman, ce qui est en train de passer là, la buanderie. Y caigo en mi cama. Et je tombe dans mon lit. Y empiezo a llorar y a adorarle, hermano. Et je commence à pleurer, à l'adorer. Entonces cuando se me fue el miedo. Et quand la crainte est partie. Vuelvo al lavadero. Je retourne à la buanderie. La puerta estaba cerrada. La porte était fermée. Y cada vez que iba a entrar. Et à chaque fois que je voulais rentrer. Una fuerza me empujaba hacia afuera, hermano. Il y a une force qui me poussait vers l'extérieur. Y yo le dije, Espíritu Santo. Et je dis, Saint-Esprit. Me asusté. J'ai eu peur. Me asusté. Vraiment, j'ai eu peur. No quise ofenderte. Je n'ai pas voulu t'enfoncer. Me dio miedo. J'ai eu peur. Quiero entrar. Mais je veux rentrer. Y sentí su voz dulce diciéndome que entrara. Et j'ai écouté sa voix douce qui me disait rentre. Y cuando entré, hermano. Et alors quand j'ai rentré, quand je suis rentré. Mi madre estaba llena de la gloria de Dios. Ma maman, elle était remplie de la gloire de Dieu. Llena. Remplie. Entonces llamé a mi hermana. Alors j'ai appelé ma sœur. Nos juntamos a orar. On s'est rassemblés à prier. Y caímos por el suelo, hermano. Et on est tombé par terre. La potencia de Dios era tan grande. Parce que la puissance, elle était si grande. Que no pudimos estar de pie. Que on ne pouvait pas se maintenir debout. Yo quiero eso para mí. Et moi, je veux cela pour moi. No me interesa la religión. Ça m'intéresse pas la religion. No me interesa si usted se ríe, se llora, salta o hace la vertical en la iglesia. Ça m'intéresse pas si vous pleurez, vous riez, vous sautez, vous faites la verticale dans l'église. Yo quiero la comunión del Espíritu Santo. Mais je désire la communion avec le Saint-Esprit. Yo quiero l'amistad del Espíritu Santo. Je désire l'amitié du Saint-Esprit. Yo quiero la vida del Espíritu Santo. Je veux la vie du Saint-Esprit. Quiero conocerle. Et je veux le connaître. Quiero saber quién es. Je veux savoir qui est. Yo le oro siempre a él. Je lui prie tout le temps. Le digo, Señor. Et je lui dis, Seigneur. Si no te conozco. Si je te connais pas. ¿Qué puedo decirle a la iglesia? Que puis-je partager à l'église? ¿De quién le hablo? De qui je parle? Necesito conocerte. J'ai besoin de te connaître. Para hablarle de ti. Pour parler de toi. Comunión, hermano. Une communion, frère et sœur. La religión nos ha robado la intimidad con Dios. Mais la religion nous a volé l'intimité avec Dieu. Mire lo que dice Gálatas. Regardez ce Ah, podríamos hablar todo el día de esto, hermano. Toute la journée, on va se mettre à parler de ceci. Y no nos alcanzaría el tiempo. Et même le temps, on n'aura pas assez avec le temps. Gálatas 3:2. Galates 3, 2. Un gran principio para poder recibir al Espíritu Santo. C'est un grand principe pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Gálatas 3:2. Galates 3, 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en vertu des œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou parce que vous avez entendu le message de la loi? Interesante, hermano. C'est intéressant, frère et sœur. Pablo les dice. Paul leur dit. ¿Cómo recibieron el Espíritu? Comment est-ce que vous avez reçu l'Esprit? Por la ley. Par la loi. Por las obras de la ley. Ou par les œuvres de la loi. O por haber oído con fe. Ou parce qu'ils ont vous avez écouté avec la foi. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo, hermano? Comment on peut recevoir le Saint-Esprit, frère et sœur? Oyendo, en écoutant, con fe, avec foi, creyendo, en croyant, cuando Dios te dice, quand Dieu te dit, voy a visitarte, je vais te rendre visite, quiero que bautizarte, je veux te baptiser, y usted oye, et vous êtes entendu, y cree, et vous croyez, con fe, avec foi, cree, vous croyez, oye, vous entendez, cree, vous croyez. ¿Qué hicieron los discípulos, hermano? Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples, frère? Jesús le dijo, Jésus leur a dit, esperen la promesa del Padre. Attendez la promesse du Père. Y seréis llenos del Espíritu Santo. Et vous soyez remplis du Saint-Esprit. Y esos oyeron. Et eux, ils ont entendu. Y creyeron. Et ils ont cru. Creyeron. Cru. Creyeron. Cru. Oyeron por fe. Ils ont entendu par la foi. Oyeron con fe. Ils ont entendu par foi. Y la recibieron, hermano. Et ils l'ont reçu. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Comment est-ce que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit? Oiga. Écoutez. Con fe. Avec foi. Creyendo. En croyant, la promesa es para mí. En croyant, la promesse, elle est pour moi. La promesa es para mí. La promesse est pour la moi. Promesa es para mí. La promesse est pour moi. Y siempre va a venir a decirte, no, no, no, es para este tiempo. Et vous allez dire, non, non, non, c'est pas encore pour ce temps-ci. Siempre hay algún religioso, hermano. Parce qu'il y a toujours un religieux, frère et sœur. No es para este tiempo. Ce n'est pas pour ce temps. Eso era para los apóstoles. Ça, c'était pour les apôtres. No oigas ese tipo de voces. Mais n'écoute pas ce genre de voix. Oye la voz de Dios diciéndote. Écoute la voix de Dieu en train Esto de te dire. Es para ti. Ça, c'est pour toi. L'Espíritu Santo oh, es para ti. es para ti. C'est pour toi. Te visitaré. Je te rendrai visite. Prépare-toi parce que te visitaré. Prépare-toi parce que je te rendrai visite. Écoute avec ta foi. Écoute avec la foi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Lo quiere realmente. Est-ce que vous le désirez vraiment? Lo quiere realmente. Vous le désirez vraiment? ¿Qué es lo que usted daría a cambio del Espíritu Santo? Qu'est-ce que vous allez donner en échange du Saint-Esprit? Todo, hermano. Tout, frère et sœur. Todo lo daría. Je donnerai tout. Todo. Tout. Con tal de poder conocerle a él. Pour que je puisse le connaître à lui. Todo lo daría. Je le donnerai tout. Absolutamente todo. Absolument tout. No solo lo daría en el futuro. Pas seulement dans le futur, je le lo donnerai. Doy en el presente, hermano. Mais je le donne au présent. Todo. Tout. Lo doy. Je donne tout. Por él. Pour lui. Porque creo. Parce que je crois. Qu'él quiere visitarme. Que lui veut me rendre visite. Porque creo. Parce que je crois. Que veré tiempos mayores que estos. Qui viendront de temps encore plus grands que ceci. Creo. Et je crois. Que él hará mayores cosas aún. Qui fera de meilleures choses. Creo ciertamente. Et certainement je crois. Que muchas cosas aún no han sucedido. Que beaucoup de choses ne se sont pas accomplies. Y que lo que viene de parte de Dios. Et ce qui vient de la part de Dieu. Es tan grande. C'est tellement grand. Y tan fuerte. Et tellement fort. Que el mundo tendrá que reconocer que Cristo es el Mesías. Que le monde devra reconnaître que Christ est le Messie. Porque creo en eso. Et parce que je crois en cela. Y espero en eso. Et j'attends cela. Estoy negándome a muchas cosas. Je suis en train de me nier à beaucoup de choses. Y a todo lo que tenga que me negarme, me negaré. Et à tout ce que je dois me nier, je me nierai. Porque todo lo doy. Parce que je le donne tout. Para estar con él, hermano. Pour pouvoir être avec lui. Todo. Tout. Todo. Tout. Y si usted quiere ver algo de Dios en su vida, et si vous voulez voir quelque chose de Dieu dans votre vie, oiga con fe. Priez avec foi. Y entrégolo todo. Et rendez tout. Me gusta cuando Pedro iba caminando con Jesús. J'aime bien quand Pierre y marchait avec Jésus. Y sus discípulos. Et avec ses disciples. Y Pedro dice. Et Pierre lui dit. Todo lo hemos dejado por ti. On a tout laissé pour toi. Todo. Tout. Todo lo dejamos por ti. On a tout laissé pour toi. ¿Qué recibiremos a cambio? Qu'est-ce que nous allons recevoir en échange? Y yo me imagino el corazón de Jesús. Et j'imagine le cœur de Jésus. Gozándose. En train de se réjouir. Lo que él había llamado. Tout ce que lui l'avait appelé. Todo lo habían dejado por él. Ils avaient tout laissé pour lui. Qué bueno es estar en el secreto de Dios. C'est vraiment bon d'être dans le secret de Dieu. Y decirle. Et de lui dire. Todo. Tout. Lo he dejado por ti. Je laissais tout pour toi. Todo. Tout. Lo dejo. Je laisse tout. Por ti. Pour toi. Todo. Tout. Todo. Tout. Todo. Tout. ¿Quiere que Dios le visite? Vous voulez que Dieu vous rende visite? ¿Quiere ver un tiempo de renuevo en su vida? Est-ce que vous voulez voir un temps de renouvellement de votre vie? En su iglesia. Dans votre église, en la nación, dans la nation, lo quiere realmente, vous le désirez vraiment, está dispuesto, vous êtes disponible, está dispuesto, vous êtes disponible, tiene ese anhelo, est-ce que vous le désirez vraiment, no lo deja dormir de noche, ce désir-là, il vous laisse pas dormir de nuit, pendant la nuit, quiere eso, est-ce que vous désirez cela? Porque Dios quiere dárselo. Parce que Dieu veut te le partager, te le donner. Pero Dios. Mais Dieu. Dio todo. Il a tout donné. Y Dios quiere que usted dé todo. Et Dieu veut que toi tu donnes tout. Todo. Tout. No estoy hablando de plata, hermano. Je ne suis pas en train de parler au niveau de l'argent. Porque el cristiano siempre todo lo pasa por el dinero. Parce que les chrétiens, ils le passent tout par l'argent. No he visto a alguien más materialista que un cristiano, hermano. Je n'ai pas connu quelqu'un plus matérialiste qu'un chrétien. Uno dice hay que sembrar y qué piensa, plata. Alors nous disons, nous parlons de, il faut aller semer et alors qu'est-ce que vous pensez, argent. Uno dice hay que darlo todo y usted piensa, on dit, lo material. Il faut tout donner, alors que, à quoi vous pensez, au matériel. Lo más difícil de entregarle a Dios, hermano. Le plus difficile de lui rendre à Dieu. No es plata. Ce n'est pas l'argent. No son cosas materiales. Ce n'est pas des choses matérielles. Es la voluntad humana. Mais c'est la volonté humaine. Darlo todo. Tout donner. Es negarse a su propia voluntad. C'est de se nier à sa propre volonté. Para tomar la voluntad de él, hermano. Pour prendre la volonté de lui. Pour lui prendre sa volonté. Eso no es plata. Ce n'est pas l'argent. Y Dios quiere tu voluntad. Mais Dieu veut désire ta volonté. Rendida a sus pies. Qu'il soit rendu à ses pieds. Una noche. Un soir. Siento pasos en mi habitación. Je sens des pas qui se dirigeaient vers mon habitation. Me despierto. Ma chambre. Elle me réveille. Dije, ¿quién es? Je me suis dit, c'est qui? Y sentí su dulce voz. Et alors, j'ai senti sa douce voix. ¿Qué me dijo? Il m'a dit, levántate. Lève-toi. Voy a explicarte Gálatas 6:15. Je vais t'expliquer Galates 6:15. Es una prédica que se la di mi pastor, hermano. Et c'est une prédication que je l'ai rendue à mon pasteur. Cuando la leyó, quand lui l'a lu, dijo esto es revelación de Dios. Il a dit ça c'est une révélation de Dieu. Y le conté cómo me fue dada. Et je lui ai partagé comment ce que je l'ai reçu. Él me la enseñó. C'est lui qui me l'a montré, me l'a enseigné. Eso es lo que necesitamos, hermano. Et c'est cela que donc nous avons besoin. Póngase de pie. Mettez-vous debout. Oh, te adoramos, Jesús. Nous t'adorons, Jésus. Te adoramos, Espíritu Santo. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Oh, santo y sublime Dios. Saint-Esprit. Bendito eres, Jesús. Tu es béni, oh Jésus. Levante sus manos al cielo y élève tes mains au ciel. Hable con el Espíritu Santo. Y parle avec le Saint-Esprit. Pídale a él que le hable. Demande-lui qu'il te parle. Pídale a él. Demande-lui. Oh Espíritu Santo. Oh Saint-Esprit.